goût de variété. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin et Marie Laurenceau des viendront nous présenter leurs chroniques hebdomadaires respectives et Stéphanie Paradis nous offrira le poste d'écoute et Master Step dans la même maudite émission. Ton meilleur, je mérite pas ça. Assemblage requis, tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 30 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Dernière émission de la semaine, dernière semaine pour nous dans le mois de octobre. Oh mon Dieu, ce gag sera désormais désuet. Jusqu'à l'année prochaine. Dans 325 jours, si j'essaie de faire approximativement... Oh, ici, t'es mis, non! Pas de mathématiques à ce moment-là. Non. Déjà qu'on doit parler d'actualité du campus, des sujets chauds avec Laurent Constantin tout à l'heure, on va déjà devoir s'ouvrir le cerveau, se mettre ça à une. Oh boy! Oh boy, c'est pas facile en début d'émission comme ça. Ensuite, à 8h, Steph, Marie-Laurence Audet va être là dans une case exceptionnelle pour sa chronique « Le loisir bien plus qu'un jeu ». Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, c'est toi qui prends le reste de l'émission en charge. Ben oui. Il va y avoir, dans cette portion-là d'une heure, entre 8h30 et 9h30, dans un ordre qu'on verra, Master Steph, la chronique alimentaire, culinaire et dans ta gueule, pour laquelle on cuisine les bouffes délicieuses et décadentes du net. Ouais, genre. Ouf. Et le poste d'écoute. Oui, où je vous cuisine la musique... décadente et savoureuse de C'est fou. La discothèque. C'est comme mettre ça dans le blender, sauf qu'à la place, c'est le lecteur CD qui tourne tout seul. Hein? Même pas besoin de toucher. Malade. Ça tourne, ça, comme un lecteur CD. Faut-tu mettre la main là-dedans? C'est ça. Donc, c'est l'émission qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Laurent Constantin, dans quelques instants à peine, sera avec nous. Mais avant, écoutons Electric Youth et Runaway sur C'est fou. Something more in the wake of a heavy Electric Youth et Runaway à Assemblage Requis. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone cette semaine. Maintenant, voici qu'il arrive, tel un constructeur sur un champ de construction, sur un terrain de construction, ou encore qui va siffloter ou catcaller dans la rue. C'est la grosse affaire, la grosse controverse en ce moment, les catcalls apparemment sur Internet. Donc lui, c'est comme, on pourrait dire, un clou-garou. C'est un gars de construction, c'est un clou-garou. Non, c'est le loup-garou du campus. Déchiffrons le campus avec Laurent Constantin. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Laurent Constantin, bonjour à toi. Bonjour Mathieu Plante, comment ça va? Ça va très bien, toi ça va? Oui, ça va très bien. Le clou du spectacle, toi, tu vas nous... you're gonna clue us in, oui, comme on dit en anglais. Oui, un homme de la construction, écoutez, un vrai... des cônes me suivent à la trace. C'est ça, des cons et des cônes. on parle de quoi aujourd'hui? J'ai aucune idée. En fait, moi, je lance des jeux de mots en début de chronique. Ça se tient sûrement pas. Ça n'a même pas rapport avec ton non, sujet. Non, on parlera pas du tout de construction. C'est pas pour ça que je fais ça. C'est pas pour être drôle non plus, apparemment. Sinon, c'est un échec. En fait, je cherchais un sujet aujourd'hui. Okay. Je me disais, bon, ben, ça pourrait être autant ce qui se passe actuellement dans les finances de la GQTR, ouais, qui sont plutôt précaires. Ça pourrait être à propos des portes ouvertes qui se tiendront samedi le 1er novembre. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller plus dans l'actualité qui n'est pas nécessairement seulement sur le campus, mais qui nous environne. C'est-à-dire que ça va mal dans le monde et je vais essayer de ramener ce mal dans le monde-là sur le campus. OK. Pour ce faire, j'ai utilisé le moteur de recherche du site de l'UQTR et j'ai tapé des mots-clés, comme ça. C'est du journalisme d'enquête. Oui, du vrai journalisme d'enquête. Et bon, mais tout le monde le sait, dans le monde, il y a cette maladie-là qu'on nomme Ebola. Oui. Et l'UQTR a prévu le coup en cas d'une présence d'Ebola sur le campus. En cas de, ils disent pas qu'il y en a. Là. Non. En cas de... Est-ce qu'ils vont recommencer à remplir leur distributeur de Purell depuis qu'il n'y a plus d'H1N1? Il n'y en a plus dans aucun distributeur sur le campus. T'sais? C'est vrai, mais je crois que ça peut vraiment être une solution pour enrayer toute trace d'Ebola sur le campus. Claire. Du Purell. Purell. Donc, en réalité, c'est pas vraiment une solution à l'épidémie actuelle, ce que j'ai trouvé. C'est plutôt qu'on mentionne le mot Ebola dans un manuel de gestion de santé sécurité en milieu de travail d'études, spécifiquement à l'animalerie des rongeurs. Ah, c'est vrai, il y a une animalerie dans les sous-sols, catacombes, les corridors. Oui, c'est ça. Si vous marchez le plus loin possible dans les catacombes, dans une espèce de sous-sol, pour vous rendre jusqu'à la porte de garage, je crois que l'animalerie est tout près. À la gauche, en sortant de cette grosse porte de garage, genre, je pense, vers tout. Parce qu'il y a justement des étudiants à l'université en sciences biomédicales, surtout, qui travaillent avec des animaux. Ouais. Donc, d'où le terme l'animalerie des rongeurs. J'ignorais qu'elle avait un nom, mais c'est comme ça. Exact. Donc, dans l'admission de matériel biologique, on explique que, par exemple, on utilise, des animaux, mais on utilise aussi certaines bactéries, certains microbes, certains virus pour un peu les étudier, autant dans un rôle académique, comme savoir observer de l'E. coli dans un cours microscope, dans un cours de microbiologie. Mais aussi, j'imagine, essayer de trouver des remèdes pour plein de choses. Tu sais, en sciences biomédicales, on fait beaucoup de choses. Donc, dans l'admission de matériel biologique, il est dit « L'utilisation de pathogènes humains ou animaux à l'animalerie est régie conjointement par les lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire émises par l'Agence de la santé publique du Canada et par les normes sur le confinement des installations vétérinaires publiées par Agriculture et Agroalimentaire Canada. » Donc, on répertorie tous ces pathogènes-là, si on peut dire, en quatre groupes de risque. Le premier groupe de risque, donc groupe de risque numéro 1, ce sont les agents infectieux du groupe de risque 1. Ils sont peu susceptibles d'infecter une personne saine ou un animal sain. Peu susceptibles, pas susceptibles, mais peu. Peu, c'est ça. Donc, toi puis moi, Stéphanie qui vient de se joindre à nous. Comment ça? Peu susceptibles. Tu me voyais pas. Parlait pas, mais t'es là. Groupe de risque numéro 2. Les agents infectieux du groupe de risque 2 sont susceptibles de provoquer une maladie humaine ou animale, mais dans des circonstances normales. Mais dans des circonstances normales, risque peu de représenter un danger grave pour le personnel de laboratoire. La à collectivité, moins que t'es embrasse, les médailles, à moins que t'es embrasses. C'est ça. Donc, si tu embrasses de l'E.coli, si tu rencontres des teignes ou le virus de la grippe, bon, ben, il y a des chances que tu l'aies, mais c'est pas à 100%. J'ai jamais fait confiance à ce jus d'orange-là, moi, teigne. J'ai jamais fait confiance. Poudre, louche. Groupe de risque 3. Les agents infectieux du groupe de risque 3 causent généralement des maladies graves chez les humains ou les animaux et peuvent entraîner des conséquences économiques sérieuses, mais se propagent rarement par contact entre deux individus et peuvent être traités à l'aide d'agents antimicrobiens ou antiparasitaires. Par exemple, la tuberculose. Oh boy! Et finalement, groupe de risque 4, on y vient, les agents infectieux du groupe de risque 4 sont des pathogènes qui produisent généralement chez l'humain ou l'animal des maladies très graves, souvent impossibles à traiter, et qui se transmettent facilement d'un individu à un autre, ou d'un animal à un humain, et vice-versa, par contact direct ou indirect. Donc, par exemple, l'Ébola! Donc oui, on sait que l'Ébola, si je me rappelle bien, ça vient des chauves-souris. OK. Ah, donc, ça, si tu ingères, je sais pas, du guano, qui est un peu finalement... Guano, c'est les excréments des chauves-souris. Ah, ils ont un nom pour leur... Oui. T'as jamais écouté Ace Ventura? No. Sorry. Shame on you. Oui. Parce que étudiant l'histoire, bon, c'est une espèce de connaissance spéciale. En Amérique du Sud, c'est déjà fait un commerce du guano. Okay. Parce que c'est un bon fertilisant pour les champs agricoles. Mm. Voilà. Eh ben. Donc, l'UQTR est prévenu que s'il y a de l'Ebola, on peut suivre toutes les normes de confinement des installations vétérinaires. Je suis allé voir un petit peu à quoi ça ressemblait, le nombre de confinements, puis c'est vraiment ce qui est expliqué. Mm-hmm. Avoir un laboratoire qui est hermétique, qui est désigné vraiment avoir des espaces plus sales, des espaces plus propres, mm-hmm. et d'avoir vraiment l'uniforme blanc. Désinfecté partout. Oui, c'est ça. Une chance. Mais de toute façon, il est indiqué, heureusement, qu'à l'UQTR, on utilise seulement des pathogènes du groupe de risque 1. Et groupe de risque 2. Les moins pires, là, c'est les dans moins l'ordre. Tantôt, c'est ça. On n'est pas dans un laboratoire à des millions, milliards de dollars. Non. Il faut se rappeler que tout ça, c'est très près des bureaux des recteurs et rectrices. Là. C'est dans le bas du pavillon, le Pierre Boucher. Un petit coup de vent, puis il serait infecté. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention à ces gens-là. Mm-hmm. Les hauts placés. Et maintenant, pour ma deuxième recherche sur le moteur de recherche. Ça va être une très longue chronique. Tant mieux. Bon, par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-Richelieu, par rapport à ce qui s'est passé à Ottawa, j'ai j'ai écrit tireur dans le moteur de recherche. Ah non. Bon, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir avec tireur? Je ne pas penser à ça. C'est déjà arrivé par le passé dans l'histoire du QTR. Est-ce que c'est marqué sur le site, ça? Qu'il y a déjà eu un tireur fou à l'UQTR. Ils ne veulent pas nous dire ça, même. J'ai déjà reçu plusieurs reprises la formation de sécurité à l'UQTR et on m'a jamais parlé de ça. Ils ont dû l'oublier, hein? L'oublier ou... Il y a eu un roulement d'employés. Intentionnellement, ils veulent l'oublier peut-être. Je pense qu'ils sont tous à la retraite, les employés étaient là en ce moment. Mais toi, tu t'en souviens? On m'a raconté. C'est un retraité agent de sécurité de l'UQTR qui m'avait raconté ça. Mais j'ai pas les détails puis je veux pas faire peur à personne. Mais... Go. Jamais arrivé. Donc, les mesures d'urgence sont déjà prêtes. S'il y avait un agresseur armé ou tireur actif. Donc, quels sont les mots? On dit pas qu'il est fou là-dedans. C'est juste un tireur actif. Il s'entraîne, le gars. Je me suis dit, un tireur actif, OK, mais c'est quoi un tireur passif? Est-ce qu'on est tous des tireurs passifs en quelque part? je sais pas. Tendance psychopathe. Il suffit d'arriver à l'acte pour être actif. Ouais, donc, les moyens de protection à prendre au cours d'une fusillade. OK. Si vous ne pouvez pas fuir sans risque, il faut se barricader. Mmh. Ensuite, appelez les services d'urgence. Si vous pouvez fuir sans risque, il faut évacuer. Ensuite, appelez les services d'urgence. Oui, je risque d'évacuer dans mes pantalons assez rapidement, je te dis. Et là, il y a une liste, plutôt une description de c'est quoi finalement un tireur actif, un agresseur armé. Il y a plusieurs moyens de protection. Je voulais expliquer, il y en a qui viennent de soi, mais il y en a d'autres qui sont assez particulières. Donc, ligne directrice, informations supplémentaires. Lors d'une fusillade, il n'y a aucune certitude quant au comportement qu'il faut assurément adopter en pareille situation. Bon, c'est vrai que ça va bien, on ne sait pas trop quoi faire. Non. La réaction de tout et tout un chacun peut être grandement influencée et demeure très imprévisible. Un certain discernement s'impose afin de juger clairement de ce qu'il faut faire. Dans bien des cas, en présence d'un individu armé, l'on doit déterminer s'il est préférable de se barricader ou d'évacuer en s'éloignant du danger afin de limiter le nombre de victimes. Mm-hmm. Donc, t'as pas l'option pleurer en petite boule? presse, j'y arrive. Donc, c'est sûr, comme je disais, aviser tous les occupants rencontrés de la situation, fermez les lumières, les écrans d'ordinateur, faites le moins de bruit possible, postez-vous sur un des murs non visible, mettez un papier devant votre fenêtre de porte, plein de choses. Mais portez un habit de la même couleur que le mur derrière vous pour vraiment vous intégrer au décor. Oui, ouais. Mais il y a des particularités qu'on ne m'a pas dit non plus lors des formations de sécurité. Donc, si l'agresseur armé entre dans le local où vous vous trouvez et que vous ne pouvez pas vous enfuir ou vous cacher, vous pouvez tenter de demeurer immobile, entre parenthèses, Faire le mort, comme avec un ours. Bien, probablement. Moi, je trouve que c'est logique parce qu'il ne va pas commencer à se poser des questions. Oui. Il va tirer sur ce qui bouge, sur ce qui est couché par terre. Mais c'est surtout ce qui m'a laissé perplexe en le réalisant plusieurs fois hier, c'est que vous pouvez tenter de demeurer immobile. Oui, parce que quand tu shakes des genoux, rester immobile, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Dans mon cas. Genre, ça dépend de ta tentation. Et aussi, si l'agresseur vous prend en otage, ne le regardez pas dans les yeux et obéissez-lui en toutes choses. Pourquoi il ne faut pas le regarder dans les yeux? Imagine affronter le regard. Il va sentir finalement qu'il n'y a pas beaucoup d'estime de lui. Puis voilà. Ouais, non, ça a du sens. Est-ce que ça suggère d'essayer de le désarmer? Mais je sais qu'il dit, je pense, c'est quand tu es un gros groupe, on peut se dire à gang, on fonce tout dessus. C'est sûr qu'il y en a une couple qui vont mourir, mais on va réussir à le désarmer comme ça. La bonne moyenne, tu sais. Tu te dis, un, deux, trois, go. Ah, mais là, si c'est à go, c'est à trois. Ça va être difficile. Et il faut espérer être avec une gang de game, parce que si tu es tout seul à te lancer. Ah! Ah. En réalité, c'est ça, le service de la protection publique de l'UQTR ne recommande pas la fameuse charge héroïque, mais plutôt recommande de prendre toutes ces précautions-là. Ouais. Et les services d'urgence, donc la police, une fois avisée, c'est elle qui va prendre en charge la poursuite du tireur actif. Donc, on peut y aller de la charge héroïque, mais ce n'est pas dans les recommandations de l'UQTR. Bonne chance. Est-ce que tu veux une partie de l'histoire? Oui. Que j'ai commencé au début de la chronique. Ceux qui veulent pas entendre ce genre d'histoire-là parce que ça leur fait peur, genre, mettons, je sais pas, moi. je vous conseille juste pas écouter ce bout-là. Enlève tes écouteurs. Juste de pas écouter ce bout-là. À mes souvenirs, tu sais, Steph, comment je suis mauvais pour raconter des histoires, je raconte tout croche puis je fais des mauvais liens, tu t'en rappelles? Oh, oui. Mais ce que je me souviens, c'est que c'était dans le pavillon des Rébauchemins. Okay? Et que la sécurité était à l'époque dans le pavillon des Rébauchemins, juste avant la chapelle et tout, la galerie d'art qu'il y avait au bout, qui est maintenant le pavillon à la vie étudiante. Donc déjà, le pavillon a mal été choisi. Genre, mais c'est ici que ça s'est passé. Genre, le gars avec sa grosse matraque ou je sais pas trop quoi, son gros fusil, est arrivé. Mais là, une matraque ou un fusil, ça, tu peux pas être un tireur fou avec une matraque, à moins de lancer une arme avec des balles. Bon, c'était pas une matraque. Fait que là, ils l'ont attrapé quand il est arrivé. Genre, ça a été quand même assez rapide. Puis c'est sûrement ça, on en a pas reparlé parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'attaque ou rien. Ah, mais il était comme sur le point de avec son arme. T'sais. Fait que là, maintenant que le service de sécurité est rendu complètement à l'autre bout du pavillon de l'UQTR, c'est ça. Le nez Rébauchemin est sans aucune garde. Mais de toute façon, les gardiens de sécurité de l'UQTR, à ma connaissance, je peux peut-être me tromper, ne sont pas armés. Non, c'est vrai, t'as raison. Et quand vous appelez sur tout téléphone sur le campus, si vous écrivez 911, eh bien le 911 tombe justement au poste de garde et c'est eux qui seront chargés de contacter la police. Ouais. Parce que ça va être long, genre. Non, c'est pas que ça va être long, c'est eux-mêmes qui vont pouvoir dire à la police, il y a un protocole tout établi de genre, le problème est à tel endroit. C'est ça, c'est ça. Ils vont servir de répartiteur, c'est ça. Puis si t'appelles le 911, tu parles directement justement aux urgences hors campus et que tu dis ça se passe dans tel pavillon, ils sont peut-être pas non plus, ils connaissent peut-être pas assez le pavillon pour savoir exactement où aller. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, les gardiens de sécurité peuvent très bien guider les vrais policiers avec des vrais guns. Il faut dire que la station de police est juste à côté sur le même boulevard. Donc, à quelques instants d'ici. Fait qu'il faut pas. Ouais, un poste de police que je trouve quand même particulier. On dirait qu'un pont-levis. C'est fun, hein? C'est cute. Ça manque de crocodile. Ouais, il faudrait une douve, oui. Un petit peu. C'est vraiment un vocabulaire que. Une douve. Histoire. L'histoire, hein, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai pas cette éducation. Ou peut-être même, je sais pas, Astérix, n'importe quoi. Okay. Il y a des crocodiles là-dedans aussi. Ouais. C'est ouais. intéressant comme chronique, Laurent, c'est tout. Oui, je n'ai pas fait d'autres recherches sur le moteur de recherche de l'UQTR. Mais t'as bien fait ça, je trouve. Il y a sûrement d'autres secrets cachés, d'autres petits bijoux à un jour cultiver et récolter. Je fais beaucoup de découvertes. je pourrais vous parler des autres lors de d'autres chroniques. Ben oui, et voilà, Laurent Constantin qu'on retrouve tous les jeudis à 7h30, ici même à l'Assemblage requis. On te remercie. Merci beaucoup à vous deux. Et bonne semaine. Bonne semaine. Ah. Dans quelques instants, ce sera Marie-Laurence Audet qui va être là pour sa chronique. Le loisir bien plus qu'un jeu. Oh oui! Oui, papa. Hein? Comment? Rien. Rien, rien. Est-ce que tu veux qu'on prenne une pause avant ça? Oui, d'un. Ouais, c'est ça. Vous êtes ensemble à Jouki jusqu'à 9h30. Ça, c'est fait. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Marie-Laurence Audet dans quelques instants à peine. Mais avant ça, une autre petite chanson, notre deuxième émission d'aujourd'hui. Allons-y avec Mordicus et Miroir, Miroir. Oui! Au 89.1 FM, c'est fou. Si j'ouvre les yeux une autre fois, je veux du changement. C'est Miroir, Miroir, Assemblage requis. Marie-Laurence Audet, de retour avec nous. Oui, bonjour. Salut. Hey, c'est le loisir, bien plus qu'un jeu. Siffle-nous ça des arrêts. sur le rythme comme toujours. T'as suivi la mélodie du sifflet parfaitement. Je l'aime, cette entrée-là. C'est juste pour toi. Juste pour toi, Marie-Laurence Audet. C'est la chronique Le loisir, bien plus qu'un jeu. La chronique Loisir, culture, tourisme, récréologie et tout ce qui s'entoure, ce qui l'entoure, je pense, je dirais plus. À go, on dit plein de mots. À go, on dit n'importe quoi, puis ça a l'air d'avoir du sens. Go, tournevis, dauphin, lunettes. Oui, alors smoothie. C'était ma chronique. C'est tout. À la semaine prochaine. Bye. Okay. Ce gag. Over utilisé. Oui, mais c'est le meilleur. De quoi est-ce qu'on parle? On a des nouveaux auditeurs ce matin. Ils la connaissent pas. C'est toujours, il y a un roulement de gens qui découvrent mes gags redondants, répétitifs et toujours la même affaire. Voilà. Fait qu'il faut leur redonner un petit peu des fois. Ton sujet aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, Marie-Laurence? Oui, je vais faire état d'un bulletin de l'Observatoire québécois du loisir qui est sorti tout récemment et qui se nommait « S'attaquer à l'inaccessibilité au loisir sous toutes ses coutures ». C'est un beau nom, pareil. C'est très bien. Ça aussi, ça a l'air vrai. C'est comme ce que j'ai dit tantôt. Ça a l'air de ça. Pareil. Ouais. Veux-tu faire la chronique? Non. Mais en fait, l'accessibilité au loisir, l'accessibilité en général, là, c'est quelque chose qu'on parle depuis des années, puis particulièrement loisir, on en parle depuis plus de 50 ans, donc... Le sujet n'est pas réinventé ce matin. Ça s'est pas arrangé depuis, parce que, Caroline, il faudrait que ça avance. Mais je vais un peu vous expliquer pourquoi. Okay. C'est qu'il y a eu, lors de la conférence annuelle du loisir municipal qui a eu lieu dernièrement, en début octobre, c'était ça, la thématique cette année, l'accessibilité au loisir. Les gens disent, bon, j'ai bien hâte de voir ce que je vais apprendre, parce qu'au final, ça se répète toujours. Est-ce que les offres de loisirs sont trop chères financièrement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas physiquement adaptés pour tout le monde, que tu aies un handicap ou pas? Mm-hmm. Est-ce que c'est les environnements et tout? Et là, ils ont ressorti des nouveaux points. Alors, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et ils expliquaient que tout d'abord, il y a des obstacles à travers le temps qui se renouvellent. Donc, c'est pas juste qu'on compense pas au manque, mais c'est qu'on doit faire face toujours à des nouvelles problématiques. Donc, ça, c'était un aspect. Ouais. Puis, souvent, comme je disais tantôt, on parle d'ordre physique, de l'environnement qui n'est pas adapté, on parle d'ordre financier. Mais ils ont abordé les aspects culturels, sociaux et structurels que je vais vous aborder plus en détail aujourd'hui dans la chronique. Donc, tout d'abord, ils ont dit qu'il faudrait définir, est-ce que l'accessibilité au loisir ou la non-accessibilité, est-ce que c'est la non-accessibilité à l'offre de loisir ou au loisir en général? Ce que ça veut dire, ces deux choix-là, là? À l'offre de loisir, c'est comme quand on parlait tantôt, si c'est trop cher, si c'est pas adapté. Mais au loisir tout court, les gens consacrent de moins en moins de temps au loisir parce qu'ils ont la conciliation travail-famille qui ont de plus en plus de difficultés à gérer. Il y a Netflix. Et voilà, c'est la principale raison. C'est principalement... Donc, on a tout d'abord l'accessibilité au loisir point, qui est de dire le temps libre, est-ce que les gens se le permettent quand ils l'ont, comment ils l'utilisent? Oui, ils sortent de chez eux. Exactement, parce que souvent, ils sont capables d'avoir l'équivalent chez eux. Ouais. Fait que pourquoi et comment on réussirait à les faire sortir de chez eux? Comme je disais tantôt, la conciliation travail-famille, puis aussi le transport. De plus en plus, les gens se permettent d'aller travailler plus loin, mais ces heures de transport-là, dans le trafic ou pas, coupe dans le temps libre qui pourrait être investi dans ces loisirs-là. Mm-hmm. Donc, c'était des... Et dans les finances aussi. Oui. Voyager autant, coûte cher de gaz, moins d'argent pour le loisir. Donc, le questionnement, je le trouvais très intéressant, savoir si c'est l'accessibilité à l'offre et à la programmation de loisirs qui n'était pas adaptée ou si c'était l'accessibilité aux loisirs tout court qu'on était rendu là. De plus en plus, il parlait qu'il ne faudrait pas imposer aux gens un rythme de vie, des offres de loisirs qui s'adaptaient un peu aux autres, mais de dire on va offrir des environnements où est-ce que tout le monde va pouvoir, à sa vitesse, à son rythme, à ses heures, faire ses activités. Donc, on voudrait encourager de plus en plus la pratique libre en loisirs. Comme tel, pour l'instant, les gens, selon différents sondages, diraient que les offres de loisirs ne leur conviennent pas toujours, particulièrement, comme je disais tantôt, par les horaires, mais par les disciplines aussi offertes dans les programmations. Ils considèrent que ça ne répond pas toujours à leurs besoins. Donc, que veulent ces gens-là? Tout le monde chiale contre tout, hein, que ce soit des festivals ou n'importe quoi. Exactement. Les gens ne sont jamais contents. Exactement. Mais c'est quand même ironique, si je peux faire une petite parenthèse. On ouvre la parenthèse. C'est que les gens prennent pour acquis le secteur des loisirs qui, au final, est comme un plus qu'on leur offre qui n'était pas offert il y a 50 ans. Mm-hmm. Puis, vu que c'est rentré dans leur quotidien, que c'est rentré dans leur mentalité, que c'est rendu un pour acquis qui va avoir tant de festivals à l'été, tant de services offerts pour leurs enfants, de la minute que ils l'ont, c'est plus à la hauteur. Là, il faudrait que ce soit plus. Mm-hmm. Fait que c'est quand même ironique parce qu'on regarde nos grands-parents qui vont regarder en ce moment ce qui est offert et qui sont impressionnés. Ouais. Puis les jeunes de nos jours, ils apprécient même pas toute l'offre qui est face à eux. C'est con, mais les jeunes, j'entends souvent le commentaire genre « Ah, tel festival, c'est de la merde, telle affaire. » Ouais, mais t'as un festival. Ouais, mais t'as un festival, premièrement, ce qui est mieux que pas de m'avoir. Ouais. Puis deuxièmement, c'est pas parce que toi... T'aimes pas ça? Que tu représentes la population complète. Les gens ont tendance à penser qu'ils sont eux-mêmes, genre, représentatifs de l'espèce humaine ou encore du genre masculin ou du genre. Tu sais, genre, ils représentent leur. Ils représentent le peuple. Eux autres, c'est le petit peuple. Eux, c'est tout le monde. C'est ça, ils sont... c'est ça. Donc, ferme la parenthèse. Si je retourne, dans le fond, comme disaient certaines études, que les disciplines offertes, ils n'étaient pas adaptés peut-être, mais il faudrait connaître les besoins de ces clientèles-là parce qu'il y a eu des exemples qui ont été faits à Trois-Rivières précisément. C'est le fun, on a un exemple chez nous. Ils ont essayé de mettre en place les Bixi. Ah oui? Qui a été, ah ouais? Oui, justement, qui a été, l'information ne s'est pas rendue. On ne l'a pas su. Hein? Que le peu de place où est-ce qu'ils en ont installé, ça n'a pas été utilisé. Ah ouais? Oui, ça n'a pas duré longtemps parce que ça a comme été un... On vient d'investir dans le beurre, fait qu'on enlève puis on réinvestit ailleurs. À la place de faire un effort pour vraiment plus pomper ça dans la communauté. La faute est à qui? Je le sais pas, puis c'est pas ce matin qu'on va le découvrir, mais c'est de dire à quel point les gens disent que ce qui est offert répond pas à leurs besoins. Est-ce que c'est parce que la personne qui l'a mis en place a pas vérifié le besoin ou c'est parce qu'elle l'a mal publicisé après? Mm-hmm. C'est une autre chose. Ils ont aussi mentionné qu'à différentes places, ils avaient mis des installations dans les parcs pour les enfants qui étaient plus ou moins utilisées. Est-ce que c'est parce que dans ces coins-là, il y a moins d'enfants? Est-ce qu'ils ont essayé aussi pour les aînés pour qu'ils fassent l'exercice dans différents parcs plus ou moins utilisés? Donc, est-ce que c'est les gens qui n'aiment pas ce qui est offert? Est-ce que c'est... Tu sais, là, il faut la peau, là. Il est où le problème, là? Ça, c'est une autre question. Pourquoi ces personnes âgées ne peuvent pas utiliser des jouets pour enfants? Ouais. Non, c'est ce que des initiatives aussi de la part de certains acteurs en loisirs, mais qui ne sont pas utilisées. Fait qu'à savoir, il est où le problème? Mm-hmm. Puis, au cours de la dernière décennie, il y a eu différentes recherches à ce sujet-là, au sujet des contraintes en loisirs. Puis là, il y a trois noms compliqués, parce qu'en recherche, il faut que tu aies un nom compliqué pour exister. C'est Crawford, Jacksonette et Godbey. Désolée si j'ai mal dit vos noms. OK. Qui ont apporté l'aspect qu'il n'y aurait plus juste le physique et le financier dans les éléments contraignants, mais comme je disais tantôt, il y aurait le structural, intrapersonnel, interpersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le structural, c'est toute la structure, la mise en place, les barrières physiques, techniques, comme on parle de l'accessibilité universelle en général, que les gens puissent, que tu aies un handicap ou pas, avoir accès. Le intrapersonnel, c'est qu'avec la personnalité des différentes personnes, tu as des gens plus timides. Tu as l'image de soi qui, à cause de la publicité ou autre, les gens n'osent pas, se sentent moins à l'aise. Donc, tout le côté personnalité des gens. Tu as l'aspect interpersonnel qui est... Souvent, on offre des loisirs en se disant « ben ça va briser la solitude de ces gens-là qui sont seuls, vont pouvoir se rassembler dans un groupe. » Mais tout seul, ils se disent « ben là, je connais personne, j'irai pas. Oui. » Tu sais, fait que tu as aussi cette ironie-là. Ensuite... Il parlait du niveau culture et des expériences antérieures. C'est certain que les expériences antérieures ont un impact sur ce que tu veux réessayer. Mais au niveau de la culture, il y avait un exemple qui était très intéressant, qui disait que dans les centres de loisirs à Montréal, on remarquait qu'il y avait beaucoup moins d'Haïtiennes. Puis là, ils se sont demandé pourquoi. Il y a eu une étude qui a été faite sur cette communauté-là. Et le rôle de la femme, qui était imposée par leur mère et par leur culture et par leur communauté, faisait en sorte que... faisait comprendre à la jeune fille haïtienne, ta place, c'est à la maison. Okay. Ta place, c'est à l'église. T'as pas de temps libre au centre des loisirs. Là, t'es pas là pour ça. Puis après, c'est les enfants et tout et tout. Donc, des fois, juste la mentalité de la communauté, même transposée ici, peut faire une grosse différence dans la pratique de loisirs. Tu les auras jamais à ton centre de loisirs, donc aussi bien pas focusser là-dessus. T'sais. Mais c'est de voir, est-ce qu'on peut répondre à leur... Parce que tout le monde a des besoins à loisirs de temps libre et tout. Est-ce qu'on peut y répondre autrement? Est-ce que c'est en l'offrant... en offrant des services en ligne? Est-ce que c'est en offrant des espaces publics qui vont pouvoir aller entre eux dans la communauté selon leurs heures? Mettons, après l'église, il y aurait une activité de faire. Donc, tu sais, ce serait de voir... Focus sur les activités familiales ou avec les enfants. Exactement, avec la communauté. Comme... Faites-nous découvrir votre communauté par vos traditions puis vos différents mets. Mais de permettre à ces gens-là de s'inclure aussi dans ce qui est offert. Exact. Ensuite, il parlait que au-delà de la pratique de loisirs, il y avait un gros aspect qui était, eux disaient, le vouloir, le pouvoir et le savoir avoir accès aux loisirs. Que tout partait d'une motivation à pratiquer nous-mêmes un loisir. Parce que c'est bien beau que tu aies la meilleure programmation offerte dans un dépliant devant toi. Si tu n'as pas le goût de te lever les fesses de ton divan, elle ne sert à rien, la programmation. Effectivement. Le but, il faut que ça vienne de la personne elle-même à aller pratiquer un loisir. Cette motivation-là, à quel point on peut la stimuler en tant qu'intervenant en loisir, en leur faisant comprendre les bienfaits et tout. Et il expliquait que justement, face à toutes ces contraintes-là, les services des loisirs étaient à la fois des contraintes elles-mêmes si elles répondaient plus ou moins à ces besoins-là, mais ils étaient à la fois des acteurs de changement parce qu'en prenant connaissance de tous ces éléments-là, on pouvait faire une différence justement sur les besoins ciblés de ces communautés-là, de ces clientèles-là, de ces motivations-là. Puis là, il donnait quelques exemples, quelques solutions, si on veut, terrain, suite à la conférence annuelle du loisir municipal qui portait sur l'accessibilité. Puis il disait, ça serait bien qu'on mise sur la cohabitation des différentes pratiques plutôt que de les hiérarchiser dans les centres des loisirs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est porté à dire dans le centre des loisirs, on a le secteur récréatif, on a le secteur compétitif. Regardez, on voudrait bien vous passer pour la pratique libre des gymnases, là, mais il y en a qui ont des cours. Qu'est-ce qu'on va prioriser? C'est la compétition. Mm-hmm. Fait qu'au lieu de les hiérarchiser comme ça en disant, ben, la pratique libre, c'est s'il y a des temps où est-ce qu'il y a personne. Le récréatif, c'est, ben, important, mais moins que le compétitif qui nous ramène des médailles et tout. À la place de voir ça comme ça, ce serait d'offrir des environnements où est-ce que tout le monde pourrait cohabiter, que tu sois compétitif, récréatif, qu'il n'y ait plus de priorisation, que la ligue de garage soit moins importante que l'équipe de la ville de hockey. Mm-hmm. Tu sais, de laisser la chance à tout le monde de s'épanouir selon ses besoins, selon ses capacités. Si on veut qu'ils commencent quelque part aussi, mm-hmm. c'est de laisser la pratique libre. Il parlait aussi d'un environnement disponible, de mettre en place des parcs, des lieux de promenade, de mettre en place des lieux où est-ce que les gens, peu importe l'heure de la journée, vont pouvoir pratiquer. Fait que tu travailles de jour, de nuit, de soir, de fin de semaine, t'as des lieux accessibles pour toi, mm-hmm. pour aller justement... Mais ça serait difficile de convaincre les élus, parce que ça coûte de l'argent, c'est des beaux projets, mais ça coûte cher. Ben en fait, les liens que beaucoup, au niveau de la politique, les loisirs vont aborder, c'est que le loisir peut autant... Là, je réponds à ta question, faisant une parenthèse. Là, oui, merci. Que les gens peuvent voir le loisir comme un luxe puis un divertissement ouais. seulement, mais peuvent le voir aussi en prévention puis en guérison. Puis on a remarqué que de plus en plus, les bienfaits du loisir en prévention, c'était qu'on évitait le décrochage scolaire. C'est qu'on évitait des problématiques de violence parce que le jeune dans la rue, au lieu d'avoir rien à faire puis se taper dessus, ben il était occupé à aller jouer au hockey puis d'aller jouer au baseball. Mmh. Fait qu'au lieu de toujours... C'est de faire comprendre aussi aux élus que, oui, on peut guérir des problématiques dans la société en disant, OK, là, ça marche pas, on va mettre en place des affaires, mais on peut aussi prévenir. Fait qu'au lieu d'attendre qu'il soit trop tard, maintenant qu'on vous dit les bienfaits, on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde souffre d'obésité avant d'offrir des activités pour les saines habitudes de vie. Donc, de permettre aux jeunes de bouger, de leur faire des ateliers sur comment bien manger. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on fait au niveau politique, qu'on fait le lien avec le niveau de la santé, qu'on fait le lien au niveau des bienfaits, qu'on fait le lien à travers tout ce que la communauté, ça peut apporter, parce que ça a autant un lien social où est-ce que les gens vont avoir une appartenance, vont rester dans la ville plutôt que déménager ailleurs, où est-ce qu'il y a une meilleure programmation, parce que pour certains, ça a une influence. Quand on voit différents quartiers qui se développent au niveau... On dit, ah, ça, c'est des jeunes familles. Pourquoi ils s'établissent tout là? Il y a des raisons. À un moment donné, c'est pas juste le prix de la maison. C'est que non seulement ils peuvent avoir une offre de service qui est adaptée à eux, mais qu'ils vont rencontrer des gens qui vont être motivés, qui vont avoir une appartenance. C'est tous ces éléments-là qu'on essaie au niveau politique de faire comprendre de plus en plus. On est une jeune science, on essaie de se faire connaître puis de se faire reconnaître. Oui, puis vous faites des études et tout ça, vous faites exactement. Pas ça n'importe comment. Exactement, puis on fait pas juste travailler dans un camp de jour, puis on n'est pas juste des mascottes. C'est ce stéréotype-là qu'il faut briser aussi. Fait que voilà pour répondre à ta question au niveau politique. Merci beaucoup. Je trouvais intéressant aussi l'idée qu'il disait de faire vivre aux gens des expériences de loisirs dans les lieux publics, à l'improviste ou pas, mais pour que les gens soient initiés à différentes pratiques de loisirs. Viens juste essayer. On fait un atelier initiation au hockey cosmo, initiation à trampoline, initiation à la peinture. Fait que les gens font « OK, ben, je m'engage dans rien. Ouais. Ça, c'est gratuit. Mm-hmm. » Tu n'as pas essayer. À te présenter à un endroit, c'est en essayant facile. Ça, les gens vont autant découvrir des éléments qu'ils aiment, qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'auraient jamais osé essayer parce que c'était un mot dans un pamphlet qui leur disait rien. Mm-hmm. Mais aussi, ils vont... briser l'image de leur incapacité. Souvent, ils vont dire, mais là, je n'irai pas faire de la peinture. Moi, je ne suis pas peinturée, je ne suis pas dessinée, je ne suis pas bon en art. Puis là, ils voient dans l'initiation que, ah, oh, mais, tu sais, je ne suis pas si pire. Tout le monde est mauvais en art. Mais je ne suis pas si pire où il y a des façons d'apprendre. Puis regarde, j'écoute ce qu'il me dit en avant, puis je m'améliore déjà, tu sais. Fait que de briser cette image-là que les gens ont de leur incapacité, qui est aussi l'image d'estime de soi qui est beaucoup brisée par tout ce qui est publicité, puis la personne parfaite, ouais. là. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de faire des expériences comme ça, des initiations. Un autre élément intéressant qui sortait de l'ordinaire, c'était d'instaurer des programmes d'éducation aux loisirs dans les camps de jour. Ça, ce que ça voulait dire, c'est qu'au lieu de faire des jeunes qui allaient être des copier-coller du moniteur, puis qui allaient juste être un « mais moi, ma journée, je fais juste ce que l'animateur me dit mm-hmm. », c'est « qu'est-ce que tu as le goût de faire? On va faire du... on va travailler ensemble, puis le jeune va devenir acteur aussi de l'organisation de ses activités. » Fait qu'il va en prendre part. Il va travailler autant, tu sais, il va développer plusieurs aspects, organisation, initiative, leadership et tout, mais il va beaucoup plus s'amuser en ayant mis la main à la porte que juste appliquer tout le tel jeu que l'animateur dit en avant. Fait qu'on voulait les responsabiliser, pas, tu sais, ils sont pas à l'école, juste c'est quoi que ça te tente de faire, puis je vais t'aider à le réaliser. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis en conclusion, un petit élément qui c'est une belle conclusion, ce sera pas si évident que ça. Ce serait le fun de faire une étude sur les non-participants en loisirs pour savoir pourquoi ils ne participent pas aux activités. Oui. Maintenant, la question, c'est où c'est qu'on les trouve, ceux qui participent? Oui, parce qu'ils ne voudront pas participer à ton sondage. Non, hein? Mais ça, c'est vrai, ils ne voudront pas participer au sondage. C'est vrai quand tu y penses, parce que c'est facile d'aller voir les gens qui pratiquent des loisirs et leur dire, parmi cette liste-là, peux-tu me cocher ceux que tu préfères? C'est plus facile. Ils sont là, ils sont dans les centres de loisirs, ils sont dans les institutions officielles de loisirs. Tu vas voir le club sportif, tu vas voir le cours artistique, peu importe. Mais comment on rejoint les non-participants? Après, j'ai eu une idée. Je me suis dit, non, mais je ne changerai pas le monde là, mais peut-être si, en tout cas, s'il y a... C'est l'idée au dair. Si jamais, mettons, on pouvait faire comprendre justement dans les discussions avec les élus et tout, les bienfaits de ce genre d'éléments-là, de ce genre d'études-là, s'ils pouvaient l'inclure dans les questionnaires du genre statistique Canada, que les gens n'ont pas le choix de répondre. Ben oui. Fait que c'est pas grave que tu dises que tu participes pas, mais la cause après qui est pourquoi, dis-le. Dis-moi, c'est parce que ça coûte trop cher. Ouais. Dis-moi, c'est parce qu'il n'y en a pas proche de chez nous. Dis-moi, c'est parce que tu as peur d'aller dans une place parce que tu connais personne. Puis ces gens-là, on va justement pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Puis à un moment donné, c'est de dire aussi, s'ils veulent pas, ils veulent pas, puis c'est correct. C'est pas mal de pas faire de loisirs. C'est juste plate si tu aurais une motivation ou un intérêt puis que tu es bloqué là-dedans pour des choses hors de ton contrôle. Il manque juste un petit coup de pied, un petit déclic. Exactement. Qui ferait participer. Oui. Fait que c'était bien, ma chronique du jour. C'était l'idée au dair. Ouais, reviens-en. OK. C'est mon slogan pour la partie de ta chronique. Super, c'est cool. Merci beaucoup, Marie-Laurence Audet. Ça fait plaisir. On te retrouve dans une autre case. Je crois que la semaine prochaine, t'es le mercredi. N'est-ce pas? Oui, mercredi prochain, puis après, je vais revenir à l'horaire normal. Voilà. Donc, on te suit, on écoute Assemblage Requis tous les jours entre 6h30 et 9h30, et je me demande si tu vas être là quelque part. Voilà. Merci, Marie-Laurence. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Dans quelques instants, Steph, on va avoir une petite portion de temps pour faire une édition Halloween des instructions d'assemblage. Ah! Ça m'intéresse. Ouais, mais avant ça. Tout le reste, c'était juste de la... Non, soirée. Ah, jusqu'à maintenant, là, hey, ça vole pas, là! Des idées de slogans, l'idée au dé, c'est quoi, sans dire un parti politique, c'est n'importe quoi. Voici Rural Alberta Vintage et On the Rocks. Au 89 FM. Brassez-moi ça, shaken, not stirred. Extra glace. Let's rush to the city, try to punch the clocks out. And I'll trip because we'll have to skip the makeup. There's nothing going wrong, there's nothing going down. I'm Ted DeVash, we set the path, we're walking down again. There's nothing in your heart, and we've lost the fight again. There's nothing going wrong, nothing going down. I'm still strong, never made a sound. Our love was on the rock, the day we let it out. Nothing going wrong, nothing going down. We'll be right back. C'était On The Rocks par The Rural Albert Advantage, nouvelle entrée sur l'album Mended With Gold en anglophone, ici même à Assemblage Requis. Maintenant, Steph, on a besoin à chaque jeudi de savoir comment mieux vivre notre vie. Donc voici les instructions d'assemblage édition Halloween. Nous vous remercions d'avoir acheté le marché. La poursuite de ces instructions conduira son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et laissez-les tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les au charbon de numéro 39. Serrez hardement avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45. Ah! Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage édition Halloween. On va vous dire un petit peu comment bien faire votre Halloween à la dernière seconde. T'sais? Bon, parfait ça. C'est l'affaire de commander des costumes, puis se créer des affaires, des gros projets, ça peut être trop compliqué. Donc, on y va avec des affaires relativement simples. J'ai un paquet de listes, on va les faire comme ça donne. On va commencer avec des projets de citrouilles d'Halloween de dernière seconde. Donc, c'est bien beau, une petite citrouille avec de la sculpture faite dedans, puis une bouche, puis tout ça, ben, c'est un petit peu plate. Ben oui. On va y aller un petit peu plus geek. Ah. Plus étrange, plus inattendu. Tu m'aideras si t'en as l'occasion à regarder les photos avec moi. Pour commencer, la robot pumpkin, la robot citrouille. C'est une vraie citrouille sur assemblagerequis.com. Elle a l'air très, très métallisée, métallique. Mais oui. C'est de l'artiste Joseph Paul Johnston. C'est de la peinture en spray métallique qui fait que ça ressemble à de l'aluminium. Donc, lui a ajouté un paquet de trucs de plus que ça, des lumières de Noël pour faire de ça un robot. Il y a un flicker avec les photos et les étapes de comment il a fait ça sur assemblagerequis.com. Ah, génial! Je ne vous partirai pas le projet ici. C'est beau, c'est différent. Peinture métallique en spray, c'est une très bonne idée. Ensuite, la Snap o' Lantern, c'est une petite citrouille robotisée qui ouvre sa mâchoire pour révéler des dents coupantes en lame de rasoir. Donc, c'est un mélange entre les petites dents qui claquent là, qu'on voit dans la ramasse. Oui, les dentilles. C'est ça. Et une citrouille normale. C'est opéré avec un moteur qui fonctionne par pile. C'est super. Ça a l'air un petit peu plus complexe, mais en même temps, ce n'est pas tant que ça. Il y a une vidéo pour voir le Snap O'Lantern en mouvement. Il y a des lumières LED qui éclairent les yeux. Tu vois, il y a une batterie en arrière. Là. Ça mène vers les fils qui mènent vers les lumières. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe. Ensuite, tu as le Project Squirrel O'Lantern. Les voisins de cette personne-là qui a fait ça se plaignaient que les écureuils mangeaient leur citrouille. Donc cet homme a décidé de laisser les écureuils faire le design pour lui. Il a laissé une citrouille partiellement coupée à l'extérieur. Il a attiré les écureuils à l'intérieur avec, j'imagine, des noix ou peu importe. Et c'est eux qui ont fait le visage de cette citrouille-là. En grugeant... Les yeux, le nez, la bouche. C'est très, très drôle. Il y a un très gros œil et un très petit œil, puis une bouche quand même en forme de bouche. Ouais. Je sais pas comment. J'imagine qu'il a peut-être dû l'améliorer avec un couteau à la fin, genre peut-être, ou t'sais, pour que ça aille. Je sais pas, mais ça, c'est quand même surprenant que t'sais, le nez n'a pas fusionné avec la bouche et tout ça. C'est ça. Peut-être qu'éventuellement, ça a fini par faire juste un gros trou, mais il a pris la photo au bon moment. Exactement. Et là, faut dire quand même qu'il a fait des trous au préalable. Oui. Il a fait juste un œil carré, deux yeux carrés, un nez rectangulaire et une bouche rectangulaire. Puis après ça, c'était les écureuils qui ont... Agrandi ça pour aller chercher les noix qui étaient à l'intérieur. Donner du style. De la citrouille, j'allais dire de la grenouille, je sais pas pourquoi. Ensuite, la Cylon O'Lantern. On peut. Cool. Vraiment cool. Hein. On peut faire une citrouille qui ressemble à un Cylon dans Battlestar Galactica. Je sais pas si il dit Cylon, un Cylon. J'imagine un Cylon. Un Cylon. Un Cylon en français. Donc ici, on a besoin, évidemment, de faire la forme, hein, mais en plus de rajouter une lumière à l'intérieur pour que ça ressemble aux yeux méchants des Cylons dans Battlestar Galactica. Donc c'est Evil Mad Scientist Laboratories qui a rangé ce groupe de 6 lumières LED à un circuit Kit Scanner. Je pourrais pas vous expliquer trop ce que c'est, mais vous pouvez voir le produit fini dans cette petite vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a aussi des citrouilles d'Alec, qui n'est pas sur la liste, mais en lien. Ah, d'accord. D'Alec comme dans Docteur qui? Docteur Who. Steampunk Pumpkin, ensuite, une citrouille steampunk qui, évidemment, ressemble à du rétro-futuriste. C'est le but du steampunk. Là. C'est des trucs qui ressemblent à des tuyaux de vapeur, mais en même temps, c'est aussi futuriste d'un certain côté. Je la trouve vraiment pas bien réussie. Non, mais pas super belle. Je la trouve très laide. Mais ils ont mis une machine à brume, là, t'sais, pas à fumer, une smoke machine, genre. T'sais. Ben, une machine à fumer. Machine à fumer, c'est ça. Qui est contrôlée par un détecteur de mouvement. Donc, tout ça. C'est cool, mais pas belle. Pas super belle. Les lumières à l'intérieur changent de couleur aussi. Vous pouvez voir les instructions sur Instructables. Ça, c'est un projet, là, je dirais, d'habitude, la plupart, jusqu'à maintenant, peut-être d'un après-midi. C'est pas des affaires ultra, ultra compliquées. genre. Non. Jusqu'à maintenant, ça quand même. La Rovin' Pumpkin ensuite. C'est les gens avec les esprits fertiles chez, encore une fois, Evil Mad Scientist Laboratories qui ont annoncé ce projet en 2009. C'est la Rovin' Pumpkin. C'est une citrouille robotisée qui donc va rester tranquille, sans bouger pendant un mouvement, mais ensuite va commencer à bouger sur ses roues avec des lumières vertes dans les yeux pour faire peur à tout le monde. Tu sais, en plus, c'est qu'ils n'ont pas fait, de yeux, de nez et bouche pour pas avoir l'air trop de citrouille décorée, tu sais, pour pas que tu t'attendes à rien, tu sais, c'est juste une citrouille qui reste sur le coin, tu sais. Ouais, ouais. Mais à deux petits trous, tu remarques dans le milieu, et c'est de là que sortent les lumières. C'est très cool. Ensuite, le Pumpkin Skull. Oh, ça, c'est cool. Ça fait vraiment peur. Si on décrit un petit peu, c'est une citrouille avec ses intérieurs qui viennent gerber un peu sur le côté de la citrouille. Et t'as un crâne avec des lumières LED qui sont, dans le fond, le crâne est inséré dans la citrouille. C'est pas le dessus qui a été coupé, mais bien genre le devant, disons... En angle, un peu, en 45, là. Mais le crâne est quand même creusé dans la citrouille, là. Il est pas comme collé dessus. Il a vraiment l'air d'être à l'intérieur de la citrouille. Donc, l'effet est très réussi. Et en plus, t'as à côté un bras démembré sur le comptoir. C'est très joli. Donc, c'est Ryan McFarlane qui a fait cette Skull Pumpkin qui incorpore l'intérieur d'une citrouille. Et c'est le vrai intérieur, donc c'est pas du faux, tout ça. Et les yeux sont éliminés par LED. Ensuite, c'est la Dark Detecting Jack-O-Lantern, une lumière qui détecte le noir. Encore une fois, c'est une citrouille furtive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les yeux, le nez et la bouche. Elle a seulement deux petits trous où seraient normalement les yeux. Il y a des piles et des lumières LED pour que ce soit donc facile de savoir, dans le fond, pour allumer les lumières, bien sûr. Mais il y a un détecteur de luminosité. OK. Et elle va s'allumer et s'éteindre dépendamment. S'éteindre, c'est quand même cool. Non, je pense que c'est le début d'éteindre. C'est demain, on va éteindre la citrouille. Les instructions pour équiper votre propre citrouille de lumière photosensible sont sur assemblagerequis.com. Et donc, pas besoin de rester à la maison pour allumer et éteindre la lumière dans la... Je faisais le mimage d'un bouton. Ouais, c'est pas allumer la chandelle. En tout cas, bref, on se comprend. Et finalement... Mais une chance... Une chance qu'il y a des petites lumières, parce qu'on aurait pu croire que c'était les narines de la citrouille. c'est ça, deux petites narines. T'as bien raison. Finalement, tu connais le port du punk... Le sport du pumpkin chunkin? Non. Non, c'est un sport où les compétiteurs vont lancer des citrouilles aussi loin que possible en utilisant un trébuchet ou une catapulte. J'aurais dû y penser. C'était quand même dans le nom pas mal. Ou encore les tirs avec un canon. Le World Pumpkin Chunkin' Championship va avoir lieu les 6, 7 et 8 novembre dans le Delaware. Donc, il y a d'autres événements locaux partout au pays et dans le continent et dans le monde. Donc, renseignez-vous pour le Pumpkin Chunkin'. C'est une façon de célébrer l'Halloween sans avoir à trop vraiment se forcer parce que t'as juste à te présenter. Mais à gaspiller des citrouilles. Et voilà, à gaspiller des citrouilles, c'est vrai ça. Ben trop vrai. Ça de même. Sont vivantes, c'est ça? Ben oui, pour petites citrouilles. Pour petites citrouilles. Vous pensez aux citrouilles, là. Cruauté! Pour seulement 10$ par mois, adopter une citrouille. on va continuer avec. Je pense que ce serait le plus simple d'y aller avec 11 objets qu'on a à la maison qui vont être utiles pour décorer une citrouille à la dernière seconde. Ah. C'est un projet d'un quart d'après-midi, un demi-après-midi, un début de soirée, peu importe. On fait ça en dedans d'une heure avec ces outils-là. C'est vraiment très, très simple. On a tous utilisé un couteau. Steph, une grosse cuillère peut-être pour vider une citrouille. À date, t'as utilisé quoi? Pour vider... Une louche. Une cuillère, mais pour gratter les graines. Puis principalement mes mains aussi, je te dirais. T'es une personne manuelle? C'est parce qu'avec la cuillère, c'est parce que ça vient tellement à gros filaments que ça rentre pas dans la cuillère, ça fait juste glisser dessus. Fait que t'es mieux de prendre tes mains et d'arracher le fond de la citrouille. Ça prend moins de temps pour votre projet de demi-après-midi si vous voulez vous rentrer dans les temps. Donc, avec des power tools, des outils qu'on retrouve à côté de l'établi, là, dans le garage ou peu importe, on peut créer quelque chose de vraiment beau. Par exemple, avec une drill. Simple drill, on va faire des trous dans la citrouille avec peut-être même des formes. Par exemple, dans l'image ici, sur l'image, ils ont gravé la lettre B, la lettre O et la lettre O pour faire un bout. En français, on aurait besoin d'une quatrième citrouille, mettre un H, là, B-O-U-H, mettons. Ouais. C'est tellement important, le H qui est muet. Mais bon, donc, bout. des petits trous dans une citrouille, c'est très simple. Ensuite, des lumières de Noël attachées autour d'une citrouille, ça peut être joli aussi. Ah, ben. C'est les Celestial Pumpkins, qu'on appelle. Bien, donc, bien attachées, par contre. Bien attachées, et une façon de réutiliser les lumières de Noël plus que juste une fois dans l'année. Ensuite, un truc pour enlever le cœur d'une pomme. Ouais. Comment on appelle ça? Un écœureur. Un écœur-pomme, c'est ça. Espèce de lambineux. Genre, tu commences à écœurer ta pomme. Alors, comme une drill, c'est la même chose. Un peu, on va faire des trous dans la citrouille. Ça fait quand même joli. Après ça, t'as vu qu'ils prennent... ils ont l'air de prendre, si je vois bien, là, ils prennent de pas de l'écorce, mais tu sais, genre la croûte de la citrouille. Ils en prennent des avec leur écœur pomme. Puis après ça, ils remettent ça dans les trous qu'ils ont fait à l'extérieur de leur citrouille, dans la dernière portion portion orange. Est-ce que tu me suis pas? Est-ce que tu vois l'image? Mais t'es tellement pas clair, mon Dieu! Non, mais aide-moi à place de chialer. Mais non, mais c'est parce que je suis même pas sûr de ce que tu essaies d'expliquer. Tu prends l'intérieur de la citrouille avec l'écœur pomme, tu le remets dans des trous que tu as créés à l'extérieur de la citrouille. Il me semble que c'est pas super difficile. Ben non, mais c'est pas ça qu'il fait. Ben oui, non. Ben non, mais c'est parce qu'ils ont pris une citrouille blanche. OK. Puis une citrouille orange. OK. Puis ils ont tout simplement. Tu prends justement le truc pour enlever les cœurs de pomme, okay. Mais ils l'ont planté, par exemple. Ils ont fait des trous dans la citrouille orange. Ils ont enlevé les portions qui seraient à peu près de la grosseur du cœur d'une pomme. OK, OK. Ils l'ont fait aussi avec la citrouille blanche. Et ils ont juste rempli les trous, mais avec les morceaux de la citrouille de l'autre couleur. Ah, d'accord, c'est pas mal mieux comme ça. Mais ça reste. Donc ça fait à poids. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu même être un autre fruit à limite. Mais c'est parce que. Moi, non, c'est ça, mais c'est parce que tu peux pas prendre l'intérieur avec le truc pour enlever le cœur de pomme, ça te transperce la citrouille au complet. Je veux dire que j'ai jamais fait de citrouille de ma vie. Mais moi non plus. Ben, fait que je savais pas, mais toi, tu le savais. Non, mais c'est parce que c'est sûr que ça passe à travers. Est-ce que tu as déjà enlevé le cœur d'une pomme avec un enleveur de cœur de pomme? Jamais. C'est un outil très long. Tu as au moins cuisiné des citrouilles, tu as au moins touché une citrouille dans ta vie. Moi, j'ai même pas touché. C'est parce que le truc pour enlever le cœur de pomme, c'est très très long, donc c'est sûr que ça passe bord en bord de ta citrouille, fait que ça fait un trou, là. C'est pas juste, j'ai pas ces connaissances-là, Steph. J'ai pas ces connaissances. Ensuite, dans le même genre, avec un truc pour faire des boules de melon d'eau. Un peu la même chose. Donc, on a pris des morceaux de je sais pas trop quelle partie de la citrouille. On lui a fait des yeux, par exemple, sur des cure-dents pour venir juste piquer sur la citrouille. C'est super simple, ça prend deux secondes à faire. On peut y faire multiples yeux comme si la citrouille était un extraterrestre. Plein de trucs comme ça. Et tu peux prendre aussi le même truc pour faire des boules de melon pour lui faire une bouche, comme ils ont fait dans cette photo-là. Ensuite, toujours en passant sur assemblagerequis.com, ces photos-là sont là si vous voulez être éclairé un peu comme une citrouille. Ce qu'on a fait ici, c'est du beurre d'arachide. Comment est-ce qu'on a fait ça? On est juste venu tartiner la citrouille de beurre d'arachide, je pense. Hein? C'est ça qu'on a fait? Ouais, c'est juste dégueulasse. Là, on dirait qu'elle est comme toute pourrie. Hein? Alors, mort-vivante un petit peu, je pense. Ah, c'est dégueulasse. Ensuite, des formes de biscuits. Pour faire des. Tout juste des genres de. Ah oui, des. Des pochoirs, des biscuits. Des moules. Pas des moules. Non! Des emporte-pièces. Ah, des emporte-pièces, voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a fait, qu'on a pris. En fait, je me demande comment on le fait. Est-ce qu'on peut vraiment peser sur la citrouille et que ça va être assez mou pour faire Moi, forme? J'ai l'impression qu'avec l'emporte-pièce, tu vas faire comme une petite mare puis tu vas découper au couteau par la suite. Sûrement avec, peut-être même, tu pourrais prendre un Dremel ou d'autres outils un petit peu plus précis. Un quoi? Peut-être un Dremel. Un Dremel? Non, on n'a pas les mêmes références, je pense. Mais c'est quoi? C'est un genre de petit couteau électrique qui vient comme... OK. En zigzag, puis tu peux juste suivre la trace. Puis, genre de scie sauteuse manuelle miniature. Oui. Ouais, en tout cas, je pense que c'est ça. Le potato peeler, maintenant, un pelle-patate. OK. Donc, on nous montre dans la petite vidéo comment peler une citrouille pour lui faire des formes, encore une fois. Donc, juste simplement peler aux bons endroits à bon escient. Puis vous faire un petit décor là-dessus. Tiens, justement, le prochain, c'est le Dremel. Et ils ont fait une toile d'araignée avec le Dremel. Donc, c'est un outil de précision. Il y a beaucoup trop de travail là-dedans. Vraiment énormément, parce qu'il faut faire la largeur de chaque fil de ça. Donc, ça pourrait être plus difficile. Ensuite, il y a de l'isolant en mousse. C'est de l'isolant, par exemple, je pense que c'est pour mettre dans les murs, celui-là, mais je suis pas tout à fait certain. Je pense que c'est pour insonoriser. Ils ont utilisé cette mousse-là pour faire un chapeau ou un dessus de tête à une citrouille avec du... je pense que c'est du glaçage à crème glacée. Pas du glaçage, mais du truc que tu mets sur ta crème glacée. Du coulis, genre. Du coulis, genre. Pour faire du sang qui sortirait de son cerveau à la citrouille. J'avoue que la couleur de la mousse ressemble pas vraiment à l'image que je me ferais d'un cerveau de citrouille. Mais en fait... La manière que c'est arrangé, on dirait plus qu'il y a un casque de douche sur la tête. C'est vraiment pas ça. Avoue que c'est pas épeurant du tout, là. Et finalement, du spaghetti pour terminer cette... je pense qu'il en reste un autre après. En tout cas. Donc, des spaghettis qu'on a plantés dans la citrouille. J'imagine qu'on lui a fait des trous, qu'on les a fait probablement. D'après moi, c'est pas des spaghettis crus parce qu'ils sont comme en genre Ils ont l'air mi-cuits. Mi-cuits. Pas cuits au complet parce que ça tiendra pas dans les airs. Je donc, dirais comme deux minutes. OK. Bouillir 2 minutes. Et ils vont juste tenir la forme des cheveux ébouriffés un petit peu de cette citrouille-là. Et on fait des trous, encore une fois, j'imagine, avec soit un Dremel ou d'autres trucs comme ça. Mais juste un petit trou. Je trouve ça laid parce qu'ils ont utilisé la queue de la citrouille pour faire le nez. Je trouve ça tout à fait horrible. J'avoue, mais non, moi, je trouve ça bien quand même. Non, j'avais même pas remarqué. C'est laid. OK. Sinon, qu'est-ce que t'en penses de peut-être juste, à place de faire cuire ton spaghetti, peut-être juste le tremper dans l'eau pour que le bout soit cru, pour que ça soit plus facile à planter, peut-être? Dans l'eau. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, mais bon. Allez voir, de toute façon, vous êtes capable de vous débrouiller. C'est ça, ça c'est l'histoire d'une demi-heure à faire, ça. Une demi-heure. Non. Peut-être pas une heure. Non. Une heure, ouais. Une heure et demie. En tout cas, bref, une demi-après-midi, comme j'avais dit tantôt. Et finalement, de l'eau de Javel, celui-là, on trempe la citrouille dans l'eau de Javel après avoir fait les trous. Et qu'est-ce que ça donne comme look? Est-ce que tu es capable de voir d'ici, toi? Non. Ça les... Attends un peu. Mais ça le dit pas dans le texte. Ben attends un peu. Je vais aller voir parce que j'avais ouvert la photo par-dessus. Donc, c'est ça. On va... si on veut minimiser... Oui, c'est ça. On veut minimiser les pourritures, les moisissures dans la citrouille. Donc, on va prendre de l'eau de Javel. C'est My Science Project qui nous dit ça. Donc, ça va... on va faire les trous dedans. On va tremper. On va laisser le tout sécher. Et donc, on va utiliser... Ouais, c'est ça. C'est seulement pour augmenter la durée de vie de la citrouille décorative. Si vous voulez pas avoir à acheter des produits, c'est apparemment sont faits spécialement juste pour les citrouilles. Apparemment, qu'ils vendent ces produits-là. Ah ouais? Mais l'eau de Javel, c'est votre meilleure solution. Sinon, voilà. Je pense que c'est bien. Plein d'idées sur assemblagejoyeux.com. Ouais. C'est sur le site homesandhues.com. Moi, je trouve que c'était très bien. Et moi, je trippe vraiment le plus, sur lequel je trippe le plus, c'est le monstre fait avec les cuillères à cantaloupe. Oui. Avec, tu peux rajouter plein d'yeux. Là, je trouve ça vraiment cool. C'est très bien fait. Et je pense qu'on va terminer avec celui-là. Moi, je trouvais ça vraiment cool. C'est des PDF. Ça s'appelle les Wintercraft Masks. Pour ceux qui sont vraiment à la dernière seconde pour leur costume d'Halloween, qui veulent avoir l'air d'un personnage dans un jeu de Nintendo 64, super polygonal. Vous savez, les personnages de jeux vidéo à l'époque, à la place d'être très très lisses, c'était des formes. Leur mm-hmm. face, tout était très triangulaire et tout. Donc, Wintercraft Masks nous propose des PDF à imprimer. C'est préfabriqué. On peut les imprimer via le template, utiliser du carton, ou encore, si votre imprimante est capable, imprimer directement sur du papier A4 plus cartonné, ce qu'on appelle du cardstock. Ensuite, donc, on va couper. On va plier, on va coller et aligner ça. Les chiffres vont ensemble. On utilise du ruban adhésif transparent, bien sûr. Et ça donne un masque avec des trous pour les yeux, j'imagine. Parce que si on les voit pas, mais j'imagine qu'on peut se faire des trous pour les yeux. Hein? Oui, on voit des trous pour les yeux. Est-ce que tu vois les yeux, toi? Ben, je vois pas les yeux, mais on voit les trous. Là, il fait noir quand même dans le masque. Ah, j'avoue. J'aurais eu l'impression qu'on aurait vu les yeux. Mais bon. Donc voilà, c'est sur assemblagejockey.com. C'est très cool, c'est très beau. J'aime vraiment ça comme look. C'est tout, c'est tout. Dans quelques instants, on continue ce qu'on passe avec le poste d'écoute en premier? Ou Master Steph en premier? Master Steph. Master Steph en premier. Ouais. Donc au retour de cette pause, Master Steph, mais pour l'instant, quelques messages. Vous êtes à Assemblage Rocky jusqu'à 9h30. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis. Il est 8h41 dans ce jeudi 30 octobre 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, il reste encore plus tard le poste d'écoute à 9h comme à tous les jeudis. Mais maintenant, dans une case horaire spéciale, on l'a fait d'habitude le mercredi en fin d'émission. Oui. Et là, on veut finir presque la semaine avec ça. Donc, allons-y avec Master Steph. Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Mathieu. Steph. Demain, c'est quoi? C'est, je sais pas, on n'a presque pas parlé cette semaine, c'est l'Halloween. L'Halloween. C'est l'Halloween. Ween comme une petite saucisse, Wiener. L'Halloweener. C'est ça. Puis des Lolo. L'Halloween. Ah, c'est ma fête préférée depuis là. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même préparé quelque chose de très simple. À la fois par manque de temps, mais aussi parce que c'est très Halloweenesque. Halloweenesque. Donc, oui, exactement. Il y a de la citrouille, c'est ce qu'on sait. Il n'y a pas de citrouille. Pas de citrouille. Non, il n'y a pas de citrouille. Cool. On mange pas de citrouille à l'Halloween. Qu'est-ce qu'on mange à l'Halloween?

toujours à Assemblage requis. Il est 9h06 en ce jeudi matin. Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. Oui. Il nous reste 24 minutes environ à l'émission. Oui, je te dirais maintenant 23. Parce que le temps passe vraiment vite. Ça a changé de minute en même temps, Sunmi. Je te dis, ben ça se peut, ça doit être comme connecté au même endroit. Peut-être à un Internet de merde. Mais c'est le même. Au moins, des fois, quand il marche, il est fin. C'est le moment de terminer l'émission avec le poste d'écoute. Le poste d'écoute, hein, avec Stéphanie Paradis, Mathieu Plante, surtout Assemblage requis. Ouais. Le poste d'écoute, moi, je vais dans les nouveaux arrivages de musique, dans la discothèque de C'est Fou. Dans le gros chaudron musical. Puis là, je fouille, puis là, j'écoute toutes sortes d'affaires. J'essaie de sortir quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est bouillir le meilleur jusqu'au sommet, là. Là, tu fais des allusions de sorcières et tout ça. Ouais, genre, j'essaie de faire Halloween. Ouais, c'est ça. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire écouter l'album I Think We Should Hang Out All the Time de Stella Ella Ola. Es-tu en train de dire que c'est pas bon, dans le fond, c'est ça que tu veux dire? Tu fais pas sortir le meilleur du bouillon. T'as dit non, pas cette fois-ci, genre. Non? Non, non, que c'est Halloween. Ah, ok, je comprends. Non, mais non, c'est non. Bon. C'est Stella Ella Ola. Ou comme dans Ella Ella. Ça peut pas être mauvais, Stella, c'était le nom de ma grand-mère paternelle. Oui. Oui. Et un des personnages de Robin, Stella, bien ça. Robin, j'imagine. Robin, il s'appelait Stella. Stella s'appelait Roblin. C'était vraiment mêlant, cette Roblin. Roblin. Roblin, voilà, on est tous mêlés. Stella et puis Roblin. Donc, la formation Stella Ella Ola est originaire de Toronto et est composée de Anne Douris, Jacques Boyd, Nixon Boyd et Vince Rice. Ouh. Donc, je te laisse deviner. Oui, Jack, ou Jake, en fait, pardon, ce serait plus Jake. Jake Boyd et Nixon Boyd. Oui, ce sont deux frères. Deux frères, oui. C'est quand même plus rare, père et fils, dans un groupe d'indie rock. Je dirais que ça serait peut-être plus courant dans un groupe de country, western, La famille d'Araïche, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si on va... On essaie de lire des descriptions qu'ils font d'eux-mêmes. C'est très, très court. Et ils disent justement « We play short songs ». Nous jouons des pièces courtes. Oui. C'est tout ce qu'ils disent d'eux. C'est rien très, très court. C'est très, très court. Et si on va dans leur biographie, je te laisse traduire. OK, je vais faire mon possible. Donc, biographie. Sing happy, hook heavy, power pop. On joue de la power pop joyeuse remplie d'accroches ou de trucs accrocheurs, genre. C'est tout ce qu'ils disent d'eux. C'est à peu près ça. Donc, on va aller voir si c'est vrai. Si les pièces sont courtes et si c'est accrocheur et joyeux. Et peut-être je te mettrai au défi d'essayer de me décrire un peu le style. À quoi ça te fait penser? Okay. D'où ça vient? Je te laisse écouter ça. Et on commence tout de suite avec une première pièce et c'est Summerette. Dans le poste d'écoute. Run through the d'écoute. C'était Hypersleep de Stella Ella Ola, tiré de l'album I Think We Should Hang Out All the Time. Et ça, c'est dans le poste d'écoute à assemblage requis. Mais hein. Bien sûr. Donc, j'ai trouvé une autre petite. En fait, ils parlent un peu de leur style musical. J'ai trouvé ça une petite portion supplémentaire. Donc, Stella Ella Ola. Selon eux, serait la trame sonore de vos barbecues estivaux. Ben, c'est donc, vrai. On hein? est un petit peu en retard, mais pourquoi pas sortir cet album-là l'été prochain, étant donné que c'est quand même quelque chose que peu de personnes connaissent. Vous avez l'air super avant-gardiste en sortant ça, même l'été prochain. Juste en 10 ans que vous écoutez C'est fou et que vous avez découvert de la musique à C'est fou, vous êtes déjà plus avant-gardiste qu'une bonne grosse portion de la population. Exactement. Surtout Trifluvienne. Mais j'ai beaucoup adoré. La première chanson est clairement palmarès, Summerette, c'est génial. Super surf, oui. Super band de garage, de bonne humeur, de jeunes adolescents. Jeunes surfeurs, Beastie Boyers. Donc, ils disent que leur style musical et les paroles vous donneront le goût de vous mettre des lunettes de soleil et de danser votre vie comme si vous étiez seul à la maison, ne portant que des sous-vêtements. Ah, comme Tom Cruise. Je trouve ça magnifique. Mm-hmm. Une belle image de toi, Mathieu, chez vous, en sous-vêtements. Merci. Et des lunettes de soleil en train de danser sur Stella et là-haut, là. Mm-hmm. Avec des bobettes sur la tête, des lunettes de soleil autour du... Ah ben là, c'est pas de ma faute si t'es dyslexique du vêtement. Je sais pas où vont les choses. J'ai pas été éduqué. Je dorme ma mère. Donc, je pense qu'on va retourner en musique avant que ça dégénère. Et on retourne immédiatement écouter un peu de Stella Ella Ola avec la pièce Try, Try, Die. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Ricky. I'm Proud Mother Stomp de Stella Ella Ola. Un peu plus country, celle-là, je te dirais. Un peu moins surfeur. Moins mon genre, mais quand même, c'est bon. Oui, il faut quand même montrer l'étendue du genre de la formation parce que ça se résume pas seulement au surfeur, si on c'est veut, ça. Happy surfeur. Là, c'était plutôt happy country. Et tout juste avant, dans le même bloc, c'était Try, Try, Die. Et tout ça, c'était dans le poste d'écoute, car aujourd'hui, on a entendu quatre pièces de l'album I Think We Should Hang Out All the Time de Stella Ella Ola. Ouais, je trippe pas tout le temps sur tes choix, mais celui-là, je le trippe. Stella Ella Ola. Je le trippe. I'm tripping it. Je m'en farge dessus. Tant mieux. Ouais. Donc, on saura ce qui va jouer à ton futur barbecue cet été. Oui, c'est ça. Mon premier, genre à vie. Je fais pas de barbecue, ça. C'est bon, j'irai cuisiner sur le barbecue chez vous. T'es bien fine. Genre dans mon demi-sous-sol, le barbecue, c'est bien, bien le fun. Donc, voilà, merci pour le poste d'écoute. C'était à Ella Ola. Ça fait plaisir. C'est comme ça que je t'appelle de relevant, Stéphanie Paradis. Parfait. Stéphanie Paradis. Là. Là. Voilà. Oh boy. Oh boy. Le poste d'écoute, on fait ça les jeudis en fin d'émission à 9h. Dans quelques minutes, ça va être les filles de deux filles, deux cils, une émission, mais on a encore le temps pour une pièce y revenir, se dire au revoir. Oui. Donc, on écoute une pièce des Erreurs qui s'appelle Bonne Fête. Et je dédie cette pièce aux trois personnes à qui c'est l'anniversaire aujourd'hui, dont mon oncle. Salut, mon oncle. C'est Stella, Ella et Ola. On leur souhaite tous bonne fête. On t'envoie trois pitounes. Bonne fête! Hey, bonne fête aussi! Moi, mais là, non, parce que là, tu me disais bonne fête, puis c'était de la musique déprimante. Bonne fête! C'est pas ma fête! Oh, tes yeux! Ah, ok, ouais, c'est bon. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, mais... Et il nous reste de l'écorce! Yeah! Au chocolat blanc! On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Lundi, on va voir David Ferron et sa chronique Les Notes Salées, ainsi qu'Alexandra Carignan et le retour éventuel de sa chronique et la boîte à musique. C'est lundi, en plus, c'est un fait, bien sûr. Mm-hmm. Restez sur nos ondes à 11h. Ce sera le dîner de con avec Danny Janvier à... Je crois qu'on saute à 15h aujourd'hui pour une raison. Donc, un livre ouvert avec l'émission de littérature. À 16h, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. En rappel, à 19h, 13e étage, 21h, Radio Sonic. Mais dans quelques instants, ce sera deux filles, deux styles, une émission. 2-2-1. Faudrait le faire deux fois avec ce 2-2-1. Mais 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Non, mais c'est parce que c'est pas beau quand c'est un chiffre pair pour que ce soit harmonieux. Faut que ce soit un chiffre impair, donc 3 fois. Bien raison. Sif.ca, assemblagerequis.com. Merci, Steph. Merci, Mathieu. Merci, Laurent Constantin, Marie-Laurence Audet. On se quitte avec une pièce de Loud Larry Adjust sur le palmarès francophone. Rien ne va plus.